Metal Express avec Eric. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, 19h passé de quelques secondes, vous êtes dans le Metal Express, c'est Eric avec vous donc jusqu'à 21h, je vous rappelle donc que vous êtes à l'écoute de Radio Heavy Metal et je vous en remercie. Radio Heavy Metal, c'est le https://radioheavymetal.site. Nous avons nos applications pour nous écouter sur votre smartphone ou bien tablette tactile, sur le Google Play ou bien Apple Store. Vous pouvez également télécharger l'application sur radio.fr et vous tapez Radio Heavy Metal. N'oubliez pas que nous avons également nos réseaux sociaux. Il y a Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci à nos partenariats radio qui diffusent le Metal Express. Et également un grand merci aux partenariats musique qui nous envoient donc les CD. Il y a Inverse Records, Duet Agency, Kebras Records, Heavy Promotion, Kebar Promotion et Inferno Records. On va pas perdre trop de temps dans cette émission car il y a énormément de choses à passer. Semaine dernière, il n'y avait pas de Metal Express donc j'ai pris un peu de retard. Mais bon, allez, c'est parti. On va commencer avec un premier groupe qui s'appelle Abrama et ce morceau s'intitule Lost Forever. Je vous souhaite une très bonne à l'écoute du Metal Express. We'll be right back. c'est sorti donc le 11 mai. L'album s'appelle Look, Here Comes the Dark. Le groupe est suisse, il s'appelle Abrama, donc c'est un extrait du morceau Lost Forever, un excellent morceau. Voici maintenant un autre groupe, il s'appelle Lunar Shadow, et le morceau qu'on va écouter s'appelle Catch Fire, suivi de Death is Dead, avec Boss Death. Bonne écoute dans le Metal Express, on est ensemble donc jusqu'à 21h. We'll be right back. Voilà donc le groupe Death is Death avec le morceau Boss Death. Et juste derrière donc on a eu Lunar Shadow avec le morceau Catch Fire, extrait de leur dernier album qui est sorti il n'y a pas très longtemps, The Smokeless Fires. Voici maintenant un groupe qui s'appelle Sleep Talk et le morceau s'intitule The Sun, suivi de Slug Hammer avec Not Control. Bonne écoute, vous êtes dans le Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Les Canadiens donc de Slow Jammer avec le morceau No Control. Et puis juste avant, il y a eu Sleep Talk avec The Sun. Ce sont des Américains, donc genre alternative. Voici maintenant Black Sun Train et le morceau s'intitule Earth. Let me fulfill the wish to fly. Now Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Voilà, donc c'était Black Sun Train avec Hearth, un superbe morceau. Donc vous pouvez le retrouver, donc ce groupe, sur la page Facebook. Vous tapez Black Sun Train et vous allez trouver tout ça. Voici maintenant Autarkeion. Ce morceau, c'est une nouveauté, il s'intitule Chaos. Bonne écoute. We'll be right back. Voilà, donc Autarkeon, c'est sa nouvelle galette qui a sorti il n'y a pas très longtemps. Ce morceau s'intitule Chaos. La galette, donc, vous pouvez la trouver sur Bandcamp. Vous écoutez ça, vous pouvez même acheter l'album. C'est un, si je ne me trompe pas, 9 titres. C'est vraiment excellent. Autarkeon, donc, pour moi, c'est connu. C'est du trash old school et même trash death. Franchement, vous pouvez aller sur sa page également Facebook et vous allez trouver ça. Donc l'album s'appelle L'Enfer avant le néon, c'est excellent. Voici maintenant un groupe qui s'appelle Ravenseer et ce morceau s'intitule After the Battle. Bonne écoute dans le Metal Express. Yeah! Voilà donc à l'instant dans le Metal Express, le groupe Raven Sire avec After the Battle. L'album va sortir au mois de juin, il s'intitulera donc Halfstone and Grave in Red. Ce sont des Portugais, voici maintenant dans un autre monde, ils sont japonais donc. Ce groupe s'appelle D-Drive, ce morceau s'intitule Attraction for Die. Bonne écoute. We'll be right back. Voilà, c'était les Japonais donc de D-Drive. Voici maintenant les Finlandais de Black Dreams. Ce morceau s'appelle We Love Dead People. Bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. We love dead people, lonely people. l'instant, donc, les Finlandais de Black Dreams avec le morceau We Love Dead People. C'est vraiment excellent. Allez, maintenant, on va retrouver un groupe allemand. C'est du death metal. Le morceau, ça, le groupe, pardon, je vais y arriver. Deserted Fear avec le morceau Welcome to Reality. Bonne écoute. Yeah! Le groupe est allemand, donc il s'appelle Deserted Fear avec le morceau Welcome to Reality du très bon death metal. Voici maintenant un groupe qui s'appelle Rob Morati. L'album va sortir le 21 juin, donc il s'intitulera Renaissance. Et le morceau qu'on va écouter donc ce soir s'appelle Best of Me. Best of Me. Best of Me. Je vais plutôt dire Best of Me. Bonne écoute. Voilà, donc il s'appelle Rob Moratti. L'album donc va sortir le 21 juin, le jour de fête de la musique. Donc ça tombe bien. Et il s'appellera donc Renaissance. Allez sur la page Facebook de Rob Moratti et vous allez voir, la pochette, elle est superbe. Voici maintenant un groupe qui s'appelle Maniac Abductor. On va y arriver avec Destroyer of Worlds. Thrash metal finlandais, donc le groupe s'appelle Maniac Abductor avec le morceau Destroyer of Worlds. Ils ont une page Facebook, n'hésitez pas donc à aller jeter un œil. Voici maintenant Imprecation, ce morceau s'intitule Temple of the Fool Spirits. Voilà donc Implication avec Battle of the Fool Spirit. C'est un excellent groupe de death metal. Un autre groupe de death metal maintenant avec Blood Sphere, avec le morceau Bloodline. Et c'est évidemment du death metal et ils sont hollandais. J'ai été énormément sollicité par des groupes de death metal en ce moment. Comme quoi, ça marche le death metal, la preuve. Voici donc Blood Sphemi. My greatest evil? Saving your life? Giving you refuge? Protecting and nurturing you? No, no, this can't be. By your own words, the sin I must embrace, the evil that I have brought into the world, is me! Sphemi! Voilà donc Bloodsphemy avec le morceau Bloodline, un excellent morceau de death metal. Voici encore du death metal avec un mélange de punk et de black metal. Voici Cultic avec le morceau The Prowler. Bonne écoute à l'écoute de Radio Heavy Metal. C'est le Metal Express et on est ensemble donc jusqu'à 21h. Rassurez-vous, ça arrive tout doucement. Donc le groupe s'appelle Cultic avec le morceau The Prowler. Voici maintenant un groupe anglais, il s'appelle Airways et le morceau s'intitule The End. C'est du rock, vous allez voir, c'est excellent. Knocking, there's my feedback. Which boat is me? lights are flashing, keeping me wide awake. Things are buzzing underneath. They won't let me get to sleep. I know I'm gonna be here till the end. This is why I know I'm gonna be here till the avec ce groupe anglais Airways avec le morceau The End. C'est vraiment excellent, ça plane et ça plane. On va retrouver donc maintenant Black Sun Trin avec le morceau Reach Out. Bonne écoute. Never ends. To our inner light. Reach out your hand. voilà, c'est super. Donc le groupe s'appelle le Black Sun Twin avec Reach Out. Vous faites comme John Hoffman, donc il m'a contacté par Facebook. Donc vous allez sur la page Radio Heavy Metal et vous me laissez un petit message et donc je vous répondrai. Il a également notamment le batteur Vinny Appice qui a joué dans avec Dio et Black Sabbath, donc ce n'est pas rien. On va passer maintenant avec un autre groupe qui s'appelle Blackwater Commotion. Ce morceau s'intitule Slade of Coming. Allez, bonne écoute dans le Metal Express. C'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Coming to you! Un classique du heavy rock, donc le groupe s'appelle le Blackwater Commotion avec le morceau Sled of Coming. Voici maintenant Floating Worlds avec le morceau Captain Evil dans le Metal Express. On est ensemble jusqu'à 21h. sont grecs, donc ils s'intitulent, je vais dire, ils sont grecs, voilà, ils s'intitulent Floating Worlds avec le morceau Captain Evil. Donc, l'album va sortir au mois de juillet, il s'appellera donc Battleship Oceania. C'est du très bon hard rock. Voici maintenant un autre groupe qui s'appelle Brocard, ça s'appelle Last Super. Don't deserve the first course, you're a pair of teeth. Feast until this culture leaves you empty. Thirst for attention, wet but never watered. Hunger starves forever, propaganda slaughters. Everything is judged a regrettable fact. Stick a finger in the air, to hell with that! Crucifixion is an affliction, best served cold. The road to hell starts where bush is sold. Fish is so hot right now. Will you consume at your last supper? Self-indulgence or the arms of your mother? What will you drink at your last supper? Liquor of a stranger, love of a lover? What would you excrete after your last supper? Obsession with celebrity, the need for conformity. Would you embrace what you class as abnormality? Le groupe s'appelle Brocard avec Last Supper. Vous pouvez aller sur la page Facebook, vous trouvez ça sans problème. Vous pouvez également les écouter sur iTunes. Ils ont un site que je vous donne, c'est le www.brocard.com. Vous pouvez également les retrouver sur Instagram et puis sur YouTube. Allez, voici maintenant un autre groupe qui s'appelle le Black Guard et ce morceau s'appelle By My Hand. Bonne écoute dans le Metal Express. Je vous rappelle que c'est Eric avec vous jusqu'à 21h. Ça arrive tout doucement. Je vous rappelle donc que vous êtes sur Radio Heavy Metal. Radio Heavy Metal, c'est le https://radioheavymetal.site. Si ça veut bien partir, ça a du mal, ça a du mal. Ça arrive tout doucement, mais sûrement. Thank you. Allez, voici Ishantia, ça s'appelle The Beginning. C'est du gothique progressif metal portugais. Bonne écoute! S'appelle Enchantia, donc, avec le morceau The Beginning. C'est excellent, ils ont une page Facebook. N'hésitez pas donc à aller y faire un petit tour. Voici un dernier morceau, le groupe s'appelle Goulunatics. C'est extrait de leur single, leur dernier single d'ailleurs, intitulé Move Along. Stop it! Voilà, donc c'est tout pour ce soir. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, donc lundi prochain, de 19h à 21h. Je vous rappelle donc que Radio Heavy Metal a son site officiel que je vous donne, c'est le https://radioheavymetal.site. Vous pouvez y laisser un petit commentaire en cliquant sur le livre d'or. N'oubliez pas que vous pouvez également télécharger les applications sur votre smartphone ou bien tablette tactile, sur le Google Play ou bien Apple Store. Vous pouvez également télécharger l'application sur radio.fr et vous tapez Radio Heavy Metal. N'oubliez pas que nous avons également nos réseaux sociaux. Il y a Facebook, Twitter et Instagram. Un grand merci encore à nos partenariats musique Inverse Records, Duet Agency, Killbrass Records, Eddie Promotion, Kebar Promotion et Inferno Records. Demain matin, un podcast de l'émission sur la page Facebook de Radio Heavy Metal, également sur la page du Metal Express. Voilà. Je vous souhaite, quant à moi, une très bonne soirée. Je vous dis à lundi prochain. Allez, ciao !